pas nos connaître. Parce que mes pauvres premières poches, j'ai magasiné la souche. Parasite auditif, à fond contre l'ascenseur, à fond contre le système, à fond contre les gueules qui mesurent après mesure. De vous croire que faire de la zig, c'est de la démesure. Et c'est triste, je te jure. Y'a quand tu pèses qu'on te paye. Y'a quand tu pèses qu'on te réclame. T'inquiète, c'est pas derrière que la soucherie. Sème le vacarme. Sors les armes au lieu de lâcher des larmes. Devant le ministère de la culture, va te faire foutre. J'ai ma poudre et mes couilles sur la table. Pas de partager qui t'arrête, qui paye et qui gagne. Y'en a qui font la starak et qui taille en haut de la fiche. Et meurt lisse, c'est dur. On va miser juste et défoncer les portes de la culture. Ok, de la culture. Y'a tous les bancs de la culture. Je vois que leur approche sur la lusure. On va censure à titre posthume. À titre posthume. On défonce les bancs de la culture. On défonce les bancs de la culture. Je vois que leur approche sur la lusure. On va censure à titre posthume. À titre posthume. On défonce les bancs de la culture. On ouvre les portes, notre futur, c'est black, blanc, beurre dans les blocs. La soucherie dans les starting blocks, on débloque. On prône la liberté, ton tral, on veut ton niquer. Normal, c'est ça calme, censuré. LS, tu connais l'adresse, pas tendresse dans les textes. On vient blesser, LS, viens t'embrasser. Non, avec la tête, mais on dit oui avec le cœur. La rancœur à 16h, voilà venue l'heure. Saucherie, rajoute un style à ta culture. C'est le son qui sort, un flingue dans la ceinture. Tapage, tout le monde dans vos urnes, on endure. Sûr même si la vie est dure, sûr qu'on assume. Sûr qu'on assume. On défonce les bancs de la culture. On voit que leur approche sur la lusure. On va censure à titre posthume. On défonce les bancs de la culture. On défonce les portes de la culture. Moi qui leur approche sur la lusure. Pour la censure à titre posthume. À titre posthume. On défonce les portes de la culture. Sors de ta tête tous tes préjugés qui t'obsèdent. Libérez vos voiles, le chaos est proche. Les libertaires s'accrochent. On voit que la liberté se décroche. Alors décroche les yeux de tout téléviseur. On n'est pas peur, c'est la soucherie. On a flou dans le corps. Hardcore dans le cœur, pas l'arbon. Faire partie du décor. Le son qui te réveille quand tu dors, car depuis des années, des rêves sont brisés. Forcé de rester carré pour sortir à scène et commercial. Fugé à leur idéal, alors on déballe. On se tape pas pour que dalle. On soulève les grands total. Normal, on nique les collabos qui brillent, l'expression de la zik. J'comprends leur peur du pic. Révolutionnaire, pire qu'elle coûte, car cher. On est la bombe atomique. On est la bombe atomique. On défonce les bancs de la culture. On voit que leur approche sur la lusure. On va censure à titre posthume. On défonce les portes de la culture. On voit que leur approche sur la lusure. On va censure à titre posthume. À titre posthume. On défonce les portes de la culture. Sur la lusure, on va censure à titre posthume. À titre posthume. On défonce les portes de la culture.